Le grain de sable d'Attaque Québec. Bonsoir, c'est Valérie Blouin qui vous parle et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Le Grain de Sable du groupe Attaque Capitale Nationale. C'est une émission qui est préparée par Cédric Leterme et ce soir, la mise en onde est assurée par notre camarade Fabien. Alors au programme aujourd'hui, on va revenir sur les événements en cours en Égypte et plus largement dans le monde arabe avec une entrevue accordée sur la question par l'intellectuel américain Noam Chomsky au site d'information indépendante Democracy Now! Alors, on vous présentera également le dernier numéro du Monde diplomatique, tout ceci avec Cédric Leterme. Ensuite, en deuxième partie d'émission, on retrouvera Michel Monette et sa chronique « L'État dans tous ses états » qui portera ce soir sur l'État-providence. Alors, restez bien avec nous. On se retrouve tout de suite après, toujours sur les ondes de CKRL, la radio qui cultive tes goûts. Cet homme-là court comme s'il avait la frousse et dans le sens opposé. Tout a l'air calme et je ne vois pas de diable à ses trousses qu'il fuit comme un dératé. C'est à peine si je suppose qu'il s'est passé quelque chose. Un deuxième s'est amusant sur la route un peu plus loin, fuit de la même façon. On dirait que c'est urgent, il crie mais je n'entends rien et s'en va à reculons. Peu à peu l'idée s'impose qu'il s'est passé quelque chose. De quoi peuvent-ils avoir peur? Vers quoi m'emmène ce train? Qu'y a-t-il à l'arrivée qui provoque cette psychose? Il s'est passé quelque chose. Maintenant c'est une foule qui décampe sans raison et fuit quoi? Je n'en sais rien. Et toujours ce train qui roule en dévorant l'horizon vers un probable destin, vers les faits, vers la cause. Il s'est passé quelque chose. S'il n'y avait ce halo de fumée et de poussière, ces lueurs d'apothéose, il s'est passé quelque chose. Quelque chose, oui, mais quoi? Est-ce une bombe perdue, l'apocalypse maintenant? Est-ce un dieu vengeur et froid qui nous fait un coup tordu, un attentat fulgurant? Une usine qui explose, il s'est passé quelque chose. En voyant le ciel brûlant sur les tours et les banlieues, les voitures abandonnées, on dit que c'est inquiétant, on espère encore un peu, on voudrait savoir prier. On est sûr que d'une chose, il s'est passé quelque chose. Mesdames et vous. C'était Juliette avec « Il s'est passé quelque chose ». Merci Fabien. De retour à l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec, ça fait plusieurs semaines maintenant que la révolte gronde au Moyen-Orient. Ça a commencé avec la Tunisie, donc comme vous l'avez vu à la télé, à la radio, donc on en parle pas mal tous les jours. Donc il y a un mouvement populaire qui a renversé le régime du dictateur Ben Ali au pouvoir depuis plus de 30 ans, imaginez-vous donc. Ça s'est ensuite propagé dans toute la région, avec notamment la Jordanie, le Yémen, l'Algérie et bien sûr l'Égypte, qui assiste à des mouvements de contestation similaires qui font trembler là aussi des dictatures fermement implantées depuis des décennies. Alors, on est rejoint par Cédric Leterme, ici en studio, réalisateur de l'émission et chroniqueur assidu, qui voulait nous parler du rôle de la communauté internationale et en particulier des États-Unis, dans ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient et en particulier en Égypte. Bonsoir Cédric. Oui, bonsoir Valérie. Alors Cédric, tu voulais aborder la question à travers une entrevue donnée par l'intellectuel américain Noam Chomsky sur les révoltes qui secouent actuellement le monde arabe. Oui, c'est ça exactement. Ben, Noam Chomsky qui est vraiment une des figures emblématiques de la pensée critique aux États-Unis. C'est un véritable monument, puis pas seulement aux États-Unis d'ailleurs, pour le monde entier. Il est souvent présenté comme l'un des intellectuels les plus influents de sa génération, et je crois que c'est franchement mérité. Il est linguiste de formation, juste pour resituer un peu le bonhomme. Donc il travaille dans la linguistique, c'est ça son métier. Il a révolutionné ce domaine d'études-là à travers de nombreuses recherches, etc. Il enseigne à l'université du Massachusetts, au MIT, mais il est aussi connu, ou plutôt connu dans les milieux militants, etc., pour son militantisme politique, pour son engagement politique. Et ça fait probablement plus de 40 ans qu'il critique et qu'il dénonce sans relâche les conséquences dévastatrices de la politique étrangère américaine, entre autres, mais c'est particulièrement là-dessus qu'il travaille. Ça a été un des opposants de la première heure à la guerre du Vietnam, puis après ça il a été plus ou moins de tous les grands combats. On l'a souvent accusé du coup d'être antipatriotique, de faire à l'époque le jeu de l'URSS, maintenant plus récemment on l'accuse de faire le jeu de l'islamisme. Et ce qu'il a toujours répondu à ces accusations-là, je trouve ça vraiment très intéressant, puis c'est quelque chose que moi je garde toujours à l'esprit quand je lis un petit peu toutes ces choses-là. Il a toujours répondu à ça que c'était finalement assez facile de dénoncer les crimes chez le voisin, de dénoncer les injustices et les barbaries que les autres commettent, mais selon lui, le vrai courage, c'est de s'attaquer plutôt à ce qui se passe dans son propre camp, à ce qui se passe chez soi, et donc à dénoncer les crimes et les atrocités qui sont perpétrées par nos propres pays dans lesquels on vit. Pour lui, c'est une double raison. D'une part, c'est un impératif moral, puisque la plupart du temps, ces crimes-là, ils sont commis en notre nom, donc on en est quelque part responsable de ce que nos gouvernements font. Mais il y a aussi une raison pratique là derrière, c'est-à-dire que pour lui, c'est plus efficace de s'adresser à ces questions-là en priorité, puisque c'est sur celles-là qu'on a le plus de chances d'avoir une influence. C'est-à-dire que c'est bien joli, il disait toujours, c'est bien joli de dénoncer ce qui se passe en URSS, mais sachant on a finalement peu d'influence sur ce qui se passe là-bas, donc autant dénoncer les crimes des États-Unis, et là-dessus on a beaucoup plus de chances de faire une différence, donc ça s'applique aussi pour nous. Il faudrait peut-être d'abord s'attaquer aux crimes, atrocités qui sont perpétrés par le Canada avant de commencer à pointer du doigt et à dénoncer les nations sauvages ou les terroristes un petit peu partout à travers le monde. Il faudrait peut-être d'abord regarder quelle est notre responsabilité à nous dans ce qui se passe dans ces endroits-là et quels sont les crimes aussi qui sont commis. Donc ça, c'est pour un petit peu sur Chomsky. Je vous invite en tout cas vraiment à aller lire. Il a écrit plus d'une centaine d'ouvrages qui sont tous passionnants. Oui, la liste est franchement longue. Et ici, il a été interviewé par Democracy Now, qui est donc le principal média indépendant aux États-Unis, vraiment excellent. Et donc, il a été interviewé sur la révolte égyptienne, puis plus largement sur ce qui se passe dans toute la région. Alors, qu'est-ce qu'il en dit exactement? C'est quoi son analyse? Il dit plusieurs choses qui sont vraiment très intéressantes. Pour ceux qui comprennent l'anglais, c'est pas traduit, le site est en anglais évidemment, c'est un site américain. Vous pouvez aller voir sur le site, c'est www.democracynow.org. L'entièreté de son interview est là, puis elle est retranscrite aussi à l'écrit, donc vous pouvez le lire aussi, c'est peut-être plus facile. Donc il dit plusieurs choses qui sont vraiment intéressantes sur ce qui se passe. D'abord, il rappelle que c'est loin d'être la première fois qu'un dictateur qui est massivement soutenu par les États-Unis soit en passe de perdre le contrôle sur sa population. Il rappelle les cas de Duvalier en Haïti, de Suharto en Indonésie, de Ceausescu aussi en Hongrie, qui sont des cas assez connus. Et il rappelle que la réaction des États-Unis dans ces cas-là, en fait, elle est toujours la même. Ils suivent vraiment un schéma qui est extrêmement répétitif. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Donc, il dit qu'en gros, d'abord, ils le soutiennent aussi longtemps que c'est possible. Donc, ils essaient d'être ambigus, ils essaient de dire oui, non, mais on promet la stabilité, blablabla. Ils soutiennent leur allié. jusqu'au point où ça devient vraiment insoutenable, où quand ça commence à devenir clair que la situation va basculer, ils retournent leur veste directement. Ils affirment qu'ils ont toujours été du côté du peuple, et puis ils font tout ce qu'ils peuvent, surtout pour que l'ancien système demeure, mais avec des nouvelles personnes, quoi. Mm-hmm. C'est assez effrayant, parce que c'est effectivement ce qui se passe les trois quarts du temps, et c'est en tout cas exactement ce qu'on est en train de voir maintenant. Il y a plus d'un an, Obama affirmait encore, quand il a été au Caire pour faire son discours célèbre où il s'est adressé au monde musulman, il y a une journaliste qui lui a demandé s'il comptait parler de la situation des droits de l'homme en Égypte, s'il comptait dénoncer l'autoritarisme de Moubarak. Et il a dit que non, qu'il n'aimait pas coller des étiquettes, ce qui est assez drôle. Il a rappelé que Moubarak était un ami et un allié fidèle des États-Unis, que selon lui, il avait fait de grandes choses pour l'Égypte, qu'il y maintenait en tout cas la stabilité, etc., etc. Et c'est assez drôle de voir maintenant Obama s'émouvoir tout d'un coup du sort des droits de l'homme en Égypte. Et il faut rappeler aussi qu'après Israël, l'Égypte est le pays qui reçoit le plus d'aide des États-Unis, c'est à peu près 1,3 milliard par an. C'est de l'aide financière, mais militaire aussi. Donc là, l'armée est entièrement équipée par les États-Unis. Et puis ces jours-ci, plus la situation devient intenable pour Moubarak, plus on voit le ton se durcir à la Maison-Blanche. Au départ, ils ont essayé d'être prudents sans trop savoir ce qui allait se passer. Maintenant qu'on voit que c'est quasi impossible que Moubarak se maintienne, ils durcissent le ton et ils appellent à une transition ordonnée. Mmh. Mais on se rend compte qu'ils font ça principalement pour éviter de perdre complètement le contrôle. Quoi. Alors c'est un petit peu comme un changement de ton ici. Voilà. Tu disais que Chomsky replaçait aussi tout ça dans l'histoire récente de la région. Mmh. Depuis les années 50, en fait, il montrait le rôle qu'ont joué les États-Unis. Et puis, il y a d'autres grandes puissances aussi, comme la France ou l'Angleterre. Est-ce que tu veux nous en parler davantage? Oui, tout à fait. Mais il remonte jusqu'en 58 et il explique que déjà à l'époque, le président américain d'alors, qui était Eisenhower, s'inquiétait en fait de la haine que suscitaient les États-Unis dans la région. Il avait l'impression qu'il y avait vraiment une campagne il utilisait cette expression-là, une campagne de haine contre les États-Unis. Et il s'en étonnait un peu, peut-être naïvement. Et donc il a essayé de savoir comment ça s'expliquait. Et alors le Conseil de sécurité nationale, qui est une des principales instances là-bas, a sorti un rapport à l'époque sur la question. Et concluait que ce sentiment de haine-là envers les États-Unis de la part des populations du monde arabe, c'était dû en fait au fait que le monde arabe considérait que les États-Unis soutenaient des dictatures extrêmement brutales dans la région, qui bloquaient la démocratie et le développement, et tout ça pour s'assurer d'un contrôle étroit sur les ressources énergétiques qui étaient présentes là-bas. Alors quand même, ça date pas de 2000. Ça date pas de 2000. On a l'impression que c'est très actuel, mais déjà en 58, c'est le constat qui était fait. Donc ils disaient visiblement, ils ont l'impression qu'on soutient les dictatures, qu'on les empêche de se développer, et puis qu'on fait ça pour le pétrole. Donc on serait comme complices. C'est probablement assez fondé. Et la situation est en fait toujours la même, sauf que les reproches qui peuvent être faits de la part des populations arabes aux États-Unis se sont un peu élargis avec le temps. Il y a notamment les sanctions extrêmement dures qui ont été appliquées contre l'Irak, qui ont surtout pénalisé la population, qui ont fait des milliers de morts parmi la population, femmes et enfants en premier lieu, qui ont été beaucoup critiquées par la population là-bas. Il y a aussi le soutien indéfectible que les États-Unis accordent à Israël, malgré les crimes répétés qu'Israël commet contre les Palestiniens. Donc tout ça sont des choses qui ont envenimé la situation. Et donc les populations arabes, à l'heure actuelle, continuent de considérer massivement, et c'est vraiment massivement, que la principale menace pour la paix dans la région, c'est les États-Unis. Ah oui, c'est ce que Chomsky disait. C'est ce que Chomsky dit. Oui. Il cite d'ailleurs un sondage là-dedans, dans son entrevue, où le sondage a démontré que 77% de la population considère les États-Unis comme une menace pour la paix dans la région, 88% considèrent Israël. Par contre, il n'y en a que 10% qui considéraient que l'Iran était une menace pour la paix dans la région. Donc ça remet un petit peu en perspective le discours qu'on entend toujours, comme quoi les États-Unis garantissent la stabilité là-bas, comme quoi ils essaient de mettre en place la démocratie, comme quoi ils sont là pour assurer la paix. On voit qu'en fait l'immense majorité de la population n'est pas du tout d'accord avec cette position-là. Donc ça remet un peu aussi en perspective les affirmations comme quoi les États-Unis seraient pour la démocratie. Tout à fait. Alors, mais un argument qu'on entend souvent ces jours-ci, c'est que ces régimes-là, donc c'est finalement moindre mal. Puis si on les laisse tomber maintenant, on risque de se retrouver avec des régimes islamistes fondamentalistes. Puis ça serait encore pire, hein? Alors ici, on sent dans ma voix là au cœur de l'argument. Oui, un peu de panique là ici. Alors qu'est-ce que répond à ça, Chomsky? C'est vrai que c'est un argument qu'on entend beaucoup ces jours-ci. peut-être pas toujours de manière aussi directe que ce que tu viens de dire, même s'il y en a qui l'ont vraiment présenté comme ça sans aucune gêne. Mais c'est vrai que c'est un argument qu'on entend beaucoup. Bon, on n'arrête pas de revenir avec les frères musulmans. Oui, d'accord, Moubarak, c'est pas joli joli, mais n'empêche, qu'est-ce qui va se passer si les frères musulmans arrivent au pouvoir? Ce serait quand même terrible. On aura un régime islamiste, ça va être la guerre, etc. Bon, d'abord, il faut préciser que cette angoisse-là, elle est pas du tout fondée, ou en tout cas, il y a aucune preuve qui permet de l'étayer. Il faut rappeler que les frères musulmans sont absolument pas à l'origine des manifestations et de la révolte qui a lieu en Égypte à l'heure actuelle. Ils s'y sont d'ailleurs opposés dans un premier temps. Ils l'ont rejoint que quand ils ont vu que, bon, manifestement, ça marchait bien. Ils ont promis de pas se présenter à l'élection présidentielle, et rien ne permet de prouver qu'ils vont s'emparer du pouvoir si Moubarak s'en va. Donc déjà, les inquiétudes là-dessus, elles sont peu fondées, mais Chomsky insiste pas vraiment là-dessus. Ce qu'il dit, lui, c'est que c'est surtout monstrueusement hypocrite de tenir ce discours-là, et pour principalement deux grandes raisons. D'abord, sur le principe même, il dit, et bon là évidemment il veut provoquer en disant ça, mais il dit que même Staline se prononçait en faveur de la démocratie à condition qu'elle donne les résultats qu'il voulait, quoi. Donc c'est finalement facile de dire oui on est pour la démocratie, mais pas tout de suite parce qu'on n'est pas certain du choix qu'ils vont faire. Il y a pas de demi-mesure avec la démocratie. C'est, si on reconnaît au peuple le droit de choisir ses gouvernements, ben c'est n'importe lequel gouvernement, c'est pas à nous de décider la solution qu'ils vont choisir pour eux-mêmes. Donc quand bien même l'Égypte déciderait d'élire les frères musulmans à la tête du pays, ce qui est, je le rappelle, loin d'être évident à l'heure actuelle sur la base de ce qu'on observe, mais il y a personne qui a le droit de les en empêcher, il y a personne qui a le droit de leur dire de faire autrement. Donc cet argument-là, dire on est pour la démocratie là-bas mais pas tout de suite et pas s'ils élisent les mauvaises personnes, c'est forcément difficile à tenir comme position. Alors ça, c'est la première chose. Ensuite, sur le fond de l'affaire, sur la crainte du fondamentalisme islamique, Chomsky rappelle là aussi, et très justement, qu'un des pays les plus fondamentalistes de la région, à savoir l'Arabie Saoudite, qui est quand même un régime extrêmement conservateur, qui est connu pour financer des instituts islamistes, etc., c'est un des principaux alliés des États-Unis, et personne n'a de problème avec ça. Il faut rappeler aussi que les États-Unis ont d'ailleurs longtemps soutenu l'islamisme radical dans la région, notamment contre des gouvernements nationalistes laïcs qui menaçaient leurs intérêts économiques et politiques. Mm-hmm. Donc ils ont soutenu l'islam radical contre ces régimes-là aussi longtemps que ça servait leurs intérêts. Ça a été le cas au Pakistan, on connaît aussi le cas de l'Afghanistan où ils ont financé les Moudjahidines contre l'occupation soviétique, jusqu'à ce que ces islamistes-là se retournent contre eux, et à ce moment-là ça devient des ennemis. Donc on voit bien que le problème, évidemment, c'est absolument pas que ces gens-là soient islamistes ou pas, le problème c'est qu'ils soient indépendants. C'est ça qui dérange vraiment les États-Unis. Mm-hmm. Donc il faut vraiment dénoncer cette hypocrisie-là et exiger en tout cas de nos gouvernements qui respectent la volonté des populations. Et ce sera probablement la meilleure façon de lutter contre l'extrémisme, puisque, on le rappelle, si les islamistes sont aussi influents là-bas, d'une part, c'est qu'ils ont été armés dans un premier temps par les États-Unis à l'époque où ils servaient encore leurs intérêts, mais aussi d'autre part, c'est maintenant, ils constituent la seule alternative, enfin, ou en tout cas, ils constituaient, puisqu'on voit maintenant qu'il y a une autre alternative qui émerge, mais ils ont longtemps constitué la seule alternative contre le pouvoir, la présence des États-Unis dans la région. Donc, c'est pas vraiment un argument à tenir, quoi. Alors, merci Cédric d'avoir apporté cet éclairage sur les grands événements sociaux qui se déroulent actuellement au Moyen-Orient. Et puis, on peut aller sûrement voir cette entrevue de Noam Chomsky, oui, sur le site de Democracy Now. Alors, je vous invite à le faire, chers auditeurs. Alors, pour nous, on prend une petite pause et au retour, on reste en compagnie de Cédric Leterme qui va nous parler du dernier numéro du Monde diplomatique. Alors, restez avec nous. À tout de suite. Dans la politique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Démagogie dans la politique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. La dictature dans la politique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Du bonheur, du bonheur. Ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Les magouilles. n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Les dictateurs dans la politique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Du respect, du respect. Ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Démagogie dans la politique. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Les dictateurs dans la politique. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Du respect, du respect. C'était « Ce n'est pas bon » d'Amadou et Mariam. Merci Fabien. Alors, de retour au Grain de Sable sur les ondes de CKRL, c'est Valérie Blouin au microphone et je suis toujours en compagnie de Cédric Leterme, avec qui nous discutions de l'entrevue que Noam Chomsky a donnée le site d'information indépendante Democracy Now! Aux États-Unis. Je vous invite à aller voir et écouter cette entrevue sur le site. Et maintenant, Cédric, tu voulais nous parler du dernier numéro du Monde diplomatique. Oui, mais c'est un petit peu mon petit chouchou, hein, le Monde diplomatique. Je confesse, ça doit ça doit faire 6-7 ans que je le lis et c'est vraiment devenu une source d'information extrêmement précieuse. Ils ont su préserver leur indépendance et c'est quand même intéressant de rappeler le modèle de presse qu'ils ont mis en place. C'est les ventes et les abonnements qui assurent la plus grosse partie de leurs revenus et non pas la publicité. Donc, okay. Ça leur permet déjà une certaine indépendance éditoriale. En plus, ils ont en collaboration avec une association à but non lucratif qui s'appelle Les Amis du Monde Diplomatique. Ils détiennent 49% des parts dans la compagnie et la direction est élue par le personnel. Okay. Donc ça leur permet vraiment d'être indépendant comparé à d'autres médias et on sait de quoi on parle ici au Québec. Et donc le résultat, c'est un mensuel qui offre un point de vue critique extrêmement fouillé, extrêmement varié sur beaucoup d'enjeux. Donc pas de censure. Non, pas de censure et pas d'autocensure aussi, ce qui est probablement encore plus efficace. Et c'est vraiment devenu en tout cas une référence incontournable, certainement dans le monde francophone, mais pas seulement, puisqu'ils ont aussi des éditions internationales, que ce soit en allemand, en espagnol. Je viens de voir justement dans l'édition de ce mois-ci qu'ils vont pouvoir paraître en Tunisie, alors qu'ils avaient été censurés pendant très longtemps, parce qu'ils ont couvert depuis des années et couvrent la situation en Tunisie. Donc c'est une bonne nouvelle, mais Donc on voit vraiment le changement déjà là en quelques semaines. Oui, c'est quand même un changement à ce niveau-là. Mm-hmm. Donc et c'est important d'encourager. Tout à fait. Ce qu'il y a TAC Tunisie aussi qui vient de sortir de la clandestinité, ça aussi ça vaut la peine de le souligner. On quand a même. Reçu un mail d'TAC Tunisie qui travaillait évidemment dans l'ombre depuis très longtemps et là qui a pu officiellement afficher sa constitution, donc on les félicite aussi. Bien oui, certainement. Peut-être qu'eux aussi auront leur émission de radio. Alors oui, tout à fait. Puis donc, ce superbe numéro de février qui vient de sortir du monde diplomatique. Oui, tout à fait, mais ça vient de sortir, je ne sais pas s'il est déjà en kiosque, parce que j'avoue que moi je le reçois en version électronique sur Internet, donc peut-être qu'il n'est pas encore sorti ces jours-ci, mais en tout cas ça ne va pas tarder. Je voulais vous en parler, mais de toute façon ça vaut toujours la peine de le lire, mais ce mois-ci ça vaut particulièrement la peine, parce qu'il consacre tout un dossier à l'onde de choc, évidemment, qui a lieu actuellement dans le monde arabe. Donc si vous voulez avoir une analyse vraiment en profondeur et surtout critique et indépendante des enjeux qui entourent tout ce qui se passe là-bas, ben je vous conseille vivement de vous le procurer, c'est vraiment très bien fait. Il y a notamment deux articles très fouillés sur la Tunisie. C'est vrai que, allez, on va dire les deux tiers du dossier sont consacrés à la Tunisie, parce qu'ils ont vraiment eu bien le temps de fouiller la question, d'envoyer des envoyés spéciaux, etc. Donc il y a deux articles vraiment très bien faits qui reviennent là-dessus, et puis aussi donc sur les événements en tant que tels, puis sur les défis qui attendent la Tunisie, sur ce à quoi on peut s'attendre, mais il y a aussi des articles sur l'Égypte et sur l'Algérie qui donnent là aussi une assez bonne image de la situation dans ces deux pays-là, du contexte social, des différences aussi d'un pays à l'autre, des raisons qui poussent à la révolte, mais donc les points communs aussi qu'il y a entre les différents pays, et puis bon, voilà, la dynamique qui est à l'œuvre dans ces différents états-là. Il y a aussi évidemment des réflexions plus générales, il y a tout un éditorial du directeur sur les enjeux géopolitiques dans lesquels tout ça s'inscrit, sur le rôle des puissances occidentales évidemment là-dedans, sur les enjeux économiques, politiques, etc. qui s'entrecroisent évidemment dans ce qui se passe là-bas. On sait que ça dépasse bien sûr le seul cadre de ces pays-là. Donc il y a un dossier vraiment très intéressant et très bien fait, quoi. Je suppose aussi qu'il y a dans ce numéro qu'il y a d'autres sujets. Alors ça porte sur quoi? Oui, évidemment il y a plein d'autres sujets comme d'habitude. Le dossier en question, c'est peut-être un cinquième du numéro. Il y a ça doit être 4-5 articles et il y a 28 pages en dessous. Donc comme d'habitude, il y a toutes sortes d'articles sur des sujets extrêmement variés, que ça aille de la politique à la géopolitique, aux relations internationales, aux enjeux de société, à l'écologie, etc. Bon, pour en présenter quelques-uns, il y a par exemple un article qui revient sur je l'ai trouvé vraiment intéressant, sur les dérives de l'agriculture biologique en France, mais on peut probablement tirer des enseignements pour partout. L'auteur explique en fait que ça a été largement détourné de ses objectifs initiaux, ça partait principalement d'une volonté de revoir le rapport à la terre, de revoir toute l'idée qu'il y a derrière la production de nourriture, donc le rapport des gens avec la nourriture, avec la production de nourriture, avec l'agriculture, et il explique que ça a été détourné en grande partie, que c'est devenu finalement une industrie comme une autre, ça a été récupéré par l'agro-industrie, qui perpétue donc les mêmes pratiques, mais avec une étiquette verte. Donc je trouvais ça vraiment intéressant, et bon, comme je disais, ça peut probablement s'appliquer aussi, en tout cas il y a des leçons à en tirer pour tous les pays. Donc ça c'est pour un pour dossier peut-être plus écolo. Oui. Il y a aussi un article qui traite de la reconnaissance par de nombreux pays latino-américains de l'État palestinien et dans ses frontières de 1967. Ça c'est aussi un sujet très très intéressant et important, parce que c'est un acte diplomatique quand même assez symbolique. Bon, d'une part ça montre le soutien qu'ils apportent au peuple palestinien, mais ça montre aussi l'indépendance qu'ils essaient d'afficher, qu'ils prennent de plus en plus par rapport aux États-Unis, et l'isolement aussi croissant dont font l'objet les États-Unis et Israël sur la question du conflit israélo-palestinien. Donc il y a, je crois, à peu près une dizaine d'États en Amérique latine qui ont franchi ce pas-là et qui ont reconnu l'État palestinien dans ses frontières de 67. Quand même. Et donc ouais, on sait que c'est un sujet à controverser aussi. C'est un sujet controversé qui l'est de moins en moins en fait. C'est ça, de plus en plus de pays se retrouvent dans le même bloc, et bon, les États-Unis et Israël se retrouvent de plus en plus isolés sur cette question-là. Donc là aussi, bah, c'est un article qui est vraiment très intéressant, je vous en encourage à vous le procurer. Et puis bon, il y a plein d'autres choses évidemment que je vous laisserai plaisir de faire la découverte si vous décidez d'aller chercher le numéro. Alors merci Cédric de nous avoir partagé une fois de plus ces précieuses et combien essentielles informations sur l'actualité. Et tu nous décris toujours si bien le contenu du monde diplomatique, alors, et des merveilleuses revues qu'on peut se documenter. Alors, on prend une petite pause, donc le temps d'écouter quelques publicités. Et au retour, on se retrouve avec Michel Monette et sa chronique « L'État dans tous ses états ». Alors, restez avec nous. Dès lundi, CKRL vous propose un déjeuner continental. Surveillez notre nouveau menu matinal dès 7h30. Chaque vendredi, les soirées du bleu au noir de CKRL sont présentées par le Bal du Lézard. Un lieu de rencontre culturelle branché art et musique. Un environnement idéal pour refaire le monde en bonne compagnie. Le Bal du Lézard propose aussi des amuse-gueules tels que pizza et hot-dog européens, ainsi que les meilleurs produits de microbrasserie et une imposante gamme de vodka. Entrez dans la danse du bal avec comme trame sonore les vendredis du bleu au noir à CKRL. Le bal du lézard, 1049 3e avenue, 88 529 3829. CKRL 89.1. Les vendredis à CKRL, la soirée se décline du bleu au noir. 18h30, Jean-Baptiste Duvigneault et Goulvendi vous proposent les meilleurs rythmes groove avec 100% dynamite. 20h, l'incontournable soirée blues de Michel Dubois, rue d'Auteuil. 22h, on tombe dans le noir. L'univers métal de Démentiellement Vôtre avec Olivier Bercelli. Minuit, la filière métal se poursuit avec Fantasmagorie, animé par Éric Lizotte. Le vendredi soir dès 18h30... Les dimanches, 22h. Laissez-vous entraîner dans l'univers burlesque et absurde de Dr Franco, un vaccin contre la morosité. C'est KRL 89. La soirée du bleu au noir est une présentation du Bal du Lézard. 1049 3e avenue, 88 529 3829. Le Bal du Lézard. Alors bonsoir, vous êtes toujours à l'écoute du Grain de Sable ici à CKRL 89.1 pour la deuxième partie d'émission. C'est Michel Monette qui nous rejoint maintenant pour sa chronique consacrée à l'État dans tous ses états. Alors bonjour Michel. Bonjour. Dans votre chronique mensuelle, l'État dans tous ses états, vous avez choisi de nous parler de l'État-providence. Oui, en fait j'aurais pu intituler ma chronique « Chronique d'une mort annoncée ». Ah oui? Oui, ça fait une trentaine d'années à peu près qu'on prédit la fin de l'État-providence. Et c'est pas arrivé. Non, pas encore, et souhaitons que ça n'arrive pas. Il semble que, qu'en Grande-Bretagne, là où est né l'État-providence, qu'on appelle aussi le welfare state, il semble que, en fait, tout au moins dans sa forme contemporaine, il semble que la coalition au pouvoir, la coalition David Cameron et Nick Clegg, les conservateurs libéraux-démocrates, il semble qu'ils aient décidé de porter un dur coup aux moribonds. Et mais avant d'expliquer ce qui se passe en Grande-Bretagne, on y reviendra un peu plus tard. Je vais d'abord revenir un peu justement sur cette notion, cette notion d'État-providence qui pourquoi la Grande-Bretagne. Ben d'abord, la Grande-Bretagne a joué un rôle clé dans le développement de l'État-providence et il faut vraiment se pencher sur ce qui se passe actuellement dans ce pays. Ouais, alors au fait, j'allais vous poser la question, qu'est-ce que c'est au juste l'État-providence? Bon, c'est un vaste sujet, l'État-providence, mais disons, on va simplifier les choses, disons qu'on distingue deux phases de l'État-providence. Il y a l'État-providence bismarckien du chancelier Otto von Bismarck. Bon, certains ont peut-être entendu parler vaguement de Bismarck. Il a été chancelier quand même de 1870 à 1890 en Allemagne. Okay. Lui a établi une espèce de mécanisme, les premiers mécanismes d'assurance sociale. On pense à la retraite, on pense à certaines assurances contre la maladie, accident du travail. Alors lui établit ça, mais il établit ça pour les gens, les salariés, les gens finalement les actifs. Ça, c'est la première période. Ça s'est établi un peu partout dans les pays, du moins dans les pays avancés, là, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, on va voir naître un deuxième type d'État-providence qu'on appelle l'État-providence beveridgien. En fait, c'est le nom, c'est un économiste anglais qui s'appelle William Henry Beveridge qui a fait un rapport, finalement, qui a donné naissance à l'État-providence. Alors, lui, cet État-providence-là, il est financé par l'impôt, puis il fournit des prestations uniformes à tous les membres de la société. OK. Donc, ça ressemble un peu à la version moderne? Tout à fait. L'idée derrière tout ça, c'est de protéger tous les citoyens du berceau jusqu'à la tombe. C'est un peu l'idée derrière que Beveridge avait. Pas d'exclusion. Pas d'exclusion. Tout à fait, exactement. Peut-être un petit peu d'ironie au passage, tiens. Pourquoi pas? Et ça va, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on en parle beaucoup ces temps-ci. C'est que l'expression État-providence comme telle, il a été employé pour la première fois dans un sens péjoratif. Ah bon? Oui, tout à fait. C'est un député français qui s'appelle Émile Olivier, aux alentours de 1864, qui utilisait ce terme-là pour dévaloriser la solidarité nationale organisée par l'État. Mais bon. Alors, on critiquait à l'époque la prétention de l'État l'État de se substituer à l'ordre naturel. C'est curieux, on retrouve le même discours aujourd'hui. Oui. L'économie, c'est quelque chose de naturel. Faut laisser finalement l'économie aller et tous nos problèmes vont être réglés. Alors, je vous avoue, c'est en effet ironique. Oui. Donc, rapidement, on a donc une première ébauche qu'on appelle État social aussi. On entend souvent État social, État-providence, welfare state. À l'époque, on voulait contrer l'influence grandissante du socialisme. Et c'est d'ailleurs à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, quand on a mis sur pied les lois, les premières lois là, qui ont établi toute la série de lois qui a établi le welfare state. C'était un peu encore là pour contrer le communisme, parce que le communisme s'était établi et, bon, en Russie, et il y avait toute l'Europe de l'Est finalement, et on voulait un peu, aider les classes ouvrières pour qu'elles ne soient pas tentées d'aller vers les partis communistes. Et l'État-providence, au fond, quand on parle d'État-providence, on parle pas seulement de protection des citoyens. En fait, on a une définition classique de Robert Musgrave. J'ai beaucoup lu sur l'État-providence. Il y a plein d'ouvrages là-dessus. Mais peut-être, en fait, ce qui me semble être un peu la définition la plus reconnue dans les milieux, c'est celle de Robert Musgrave, qui est un économiste américain, qui publie un ouvrage qui s'appelle Theory of Public Finance en 1959. Et lui, il dit que l'État-providence, au fond, l'État-providence remplit trois fonctions. La fonction de redistribution des revenus, celle dont je vous ai parlé. La fonction d'allocation des ressources. Un bon exemple de ça, quand les entreprises sont pas capable de fournir un service, mais que c'est un service qui est vraiment nécessaire. On pense à la santé, on pense à l'éducation, mais là, l'État intervient finalement et c'est lui qui met sur pied le service en question, soit qu'il le fait directement ou soit qu'il va carrément subventionner des entreprises pour le produire. Et une troisième fonction, c'est la fonction de stabilisation de la conjoncture. Et ça, c'est le fameux keynésianisme. Mm-hmm. On entend beaucoup parler du keynésianisme. C'est en gros, disons, en résumé, le gouvernement fournit un ensemble d'incitations au marché à travers des politiques économiques, budgétaires et des politiques monétaires. C'est un peu l'idée là de soutenir l'économie en période de creux économique. Pour compenser parfois. Finalement. C'est ça, exactement, tout à fait. Donc, trois fonctions de l'État-providence, redistribution des revenus, allocation des ressources et stabilisation de la conjoncture économique, si on veut. Tout à fait, d'accord. Oui. Maintenant, c'est sûr que on peut comparer ça, cet État qui intervient dans la sphère économique et sociale, on peut comparer ça à l'État neutre, cher ou libéraux. Il y a eu l'école de Chicago avec Friedman qui a combattu cette idée de l'intervention de l'État. Et bon, actuellement au Québec, là, il y a quand même tout un courant de droite finalement qui combat cette idée d'État qui intervient et que l'État devrait être neutre, devrait intervenir le moins possible et devrait se limiter à la défense, à la justice et à l'ordre public et à la diplomatie, évidemment, dans le cadre de l'État national. OK. Donc, c'est vraiment... il trouve un petit peu que c'est une ingérence. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on reproche beaucoup à l'État-providence, finalement, de coûter cher. Et de faire en sorte que les citoyens se déresponsabilisent, de déresponsabiliser les citoyens. C'est un peu l'attaque qu'on fait contre l'État-providence. OK, donc est-ce qu'il y aurait autre chose à ajouter? Donc avant de cet État-providence-là, est-ce que c'est né quand, ça? C'est né, en fait, la deuxième forme de l'État-providence, celle qui est attaquée présentement, elle est née après le rapport Beveridge en 1942. En fait, elle est née, on peut dire qu'elle est née dans les années 45-50 à peu près. Il y a un premier ministre travailliste qui s'appelait Attlee à l'époque qui prend le pouvoir, qui remplace Churchill. Et là, on va voir toute une série de d'interventions de l'État, nationalisation de la Banque d'Angleterre, de mines, même de l'aviation. On sait les allocations familiales, c'est l'assurance chômage, l'assurance maladie généralisée, c'est le Service national de santé publique. Enfin, toute une série donc de réformes qui sont adoptées entre 45 et 51. Et l'État-providence connaît son heure de gloire entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale puis le milieu des années 70, à peu près. Il y avait, comme je l'ai dit, hein, il y avait déjà Friedman puis d'autres qui s'opposaient, mais il n'empêche que c'était quand même, à ce moment-là, les opposants étaient quand même minoritaires et les États de plus en plus allaient dans le sens de ce qu'avait mis sur pied l'Angleterre. Alors, tout ça s'est fait dans un contexte de capitalisme industriel. Et c'est certains disent que c'est un peu comme une espèce de d'entente entre les classes possédantes, ceux qui possédaient les industries et les classes ouvrières, les syndicats entre autres, pour faire en sorte que finalement l'État puisse avoir les revenus qu'il faut, développer finalement, répondre aux besoins des classes ouvrières là, qui finalement est. Je ne sais pas, moi, par exemple, les gens se retrouvaient malades, bon, mais ils étaient devant rien. Le régime de retraite, bon, certains en avaient, d'autres non. Donc, il y a eu cette espèce de compromis entre entre les deux, la classe managériale aussi, semble-t-il, là, c'est elle là, qui a un peu poussé ce compromis-là. Oui. Celle dont on dit actuellement qu'elle s'enrichit considérablement. Là. Okay. Donc, c'est ce compromis-là, finalement, qui s'est fait et qui fait que... Il faut dire aussi que les économies étaient en pleine croissance, hein, 5%, les économies est croissent énormément. Le PIB, par exemple, le PIB croissait, les économies, les dépenses sociales aussi croissaient. On passe de 5 à 25% du PIB en moyenne en Europe là, pour les dépenses sociales. Donc, tout ça, ça va jusqu'au milieu des années 70 à peu près. Certains se rappelleront, 1973, le choc pétrolier, là, on connaît un virage drastique. Et tout c'est à partir de ce moment-là, finalement, qu'on commence à remettre en question l'État, les dépenses sociales, l'intervention de l'État dans l'économie. Parce qu'une caractéristique importante là, que je remarque là, dans ce que vous dites, là, c'est vraiment... fondamental à l'État-providence, c'est vraiment le caractère universel de ces mesures sociales-là. Tout à fait, exactement. Puis là, c'est... depuis... Oui. Donc, exact. C'est ça, depuis, là, vous me dites, le choc, là, c'est plus... On entend parler de compression budgétaire, l'État veut réduire ses dépenses, finalement. Bon, il y a eu l'inflation, etc., qui fait que, finalement, les États n'étaient pas... Enfin, il y avait toute une philosophie qui voulait finalement que l'État réduise ses dépenses après le choc pétrolier. À partir des années 80, il y a Reagan et Thatcher là, qui vont lancer le bal finalement et qui vont vraiment... Donc c'est eux vraiment là, qui vont partir le bal en quelque sorte, oui, exactement. Donc on peut dire que depuis une trentaine d'années à peu près, l'État-providence est en déclin. Alors, c'est sur ces quelques paroles que nous allons prendre quelques instants pour faire une petite pause musicale. Et au retour, nous allons revenir sur ce qui se passe en ce moment en Grande-Bretagne. Alors, restez avec nous. Cause हर बात में हर गले में छिपा पैगाम मोहब्बत है हर पंखुड़ के लबों पे हर पंखुड़ के लबों पे उल्फत का ये तराना है तराना है तराना है काम जिसका भगत है दौलत दिल की लुटाना है काम जिसका भगत है दौलत दिल की लुटाना है मोहब्बत का खजाना भी मोहब्बत का खजाना भी क्या गुम खजाना है काम जिसका भगत है दौलत दिल की लुटाना है फिजूल है वो दीन धर्म फिजूल है वो दीन धर्म जहां मोहब्बत बसती है वो दीन धर्म जहां मोहब्बत बसती नहीं मोहब्बत बसती नहीं मोहब्बत बसती उसका ठिकाना है ठिकाना है ठिकाना है काम जिसका भगत है दौलत दिल की लुटाना है काम जिसका भगत है दौलत दिल की लुटाना है मोहब्बत का खजाना भी मोहब्बत का खजाना भी क्या को खजाना है काम जिसका भगत है दौलत दिल की लुटाना है जरूरत बन गई आदमी की ये इश्क रूहानी अब जरूरत बन गई आदमी की ये इश्क रूहानी अब जरूरत बन गई आदमी की एक बात यही तो मुझको Vous êtes toujours sur CKRL avec l'émission Le Grain de Sable jusqu'à 18h30, suivi de 100% Dynamite avec Jean-Baptiste Duvigneau et Goulvendi. Alors, on est toujours en compagnie de Michel Monette qui nous présente sa chronique mensuelle consacrée à l'État dans tous ses États. Alors, on s'est laissé avec un État-providence qui est en déclin et il semble que les choses ne s'améliorent pas du côté de la Grande-Bretagne, là même où l'État-providence avait pris sa forme moderne après la Deuxième Guerre mondiale. Oui, les choses ne vont pas, effectivement. Le monde a beaucoup changé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je l'ai dit tantôt, l'État-providence, c'est un peu comme un compromis entre les classes ouvrières et finalement ceux qui possèdent, les industriels qui possèdent. Mais depuis lors, il y a eu quand même... disons, le capitalisme financier qui a pris le dessus. Et ce capitalisme financier, finalement, de plus en plus tend à concentrer la richesse, j'oserais dire, à siphonner finalement au profit des actionnaires, finalement, la richesse, et à exiger de plus en plus des entreprises, finalement, de faire de plus en plus de profits, donc de transférer l'argent vers le capital industriel, vers le capital financier. Très rapidement, il y a vraiment une différence, une distinction entre le capitalisme industriel et financier. Oui, tout à fait. Okay. Exactement. Le capitalisme industriel, au fond, c'est le capitalisme qui a produit les entreprises, qui fabrique finalement, mm-hmm. ou qui donne les services. Le capitalisme financier, c'est ceux qui financent les entreprises. Okay. Et qui a pris le haut du pavé dans l'économie. Et bon, ça a donné la dernière crise financière qu'on a vue. On ne sait pas vraiment si on va s'en sortir. Donc, il y a eu... effectivement, le monde a beaucoup changé. Et donc les salaires diminuent et les gens de plus en plus vont demander à l'État de couper dans les impôts. Et l'État évidemment, les politiciens veulent être élus, alors ils vont effectivement mm-hmm. faire des compressions et ils vont commencer donc à couper dans les dépenses publiques. Ça s'est produit là, dans les années 80, 90 jusqu'à aujourd'hui. Donc après les 30 glorieuses. Exactement, tout à fait. Donc ça, c'est un peu la toile de fond de ce qui se passe actuellement mm-hmm. en Angleterre, mais comme on l'a dit, c'est un peu le berceau de l'État-providence dans sa forme mm-hmm. contemporaine. Et la coalition libérale-démocrate, Cameron Clegg, va essayer de pousser ça un cran plus loin. Il va proposer des réformes qui risquent de porter un dur coup à l'État-providence. Est-ce que vous avez des exemples de ces réformes qui vont affecter? Oui, j'en ai trois. Rapidement, il y a les traditionnelles compressions budgétaires mm-hmm. avec une... Le gouvernement britannique prédit 490 000 mises à pied d'ici 2015. C'est pas rien. Il y en a déjà 100 000 qui ont dans l'ensemble du secteur public. Là. Ça touche évidemment tous les réseaux, l'équivalent ici, réseau santé, réseau éducation, le gouvernement mm-hmm. et tout ça. Donc déjà 100 000 emplois qui ont été supprimés. Ça, c'est un dossier qu'on retrouve sur le site du syndicat Unison, qui est le syndicat des travailleurs des services publics. Alors, d'autres exemples. On veut réduire les dépenses publiques mm-hmm. de 83 milliards. Quand même, hein? C'est pas rien. 135 milliards de dollars canadiens. C'est pas rien. Ça va faire du beau chômage. Alors, lui, finalement, il est plus inquiétant encore. C'est une brèche dans le principe de l'universalité. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tous les Britanniques, toutes les familles britanniques, peu importe leur revenu, recevaient des allocations familiales. Et là, ce que la coalition veut faire, finalement, c'est d'accorder ça selon le revenu. Mm-hmm. Donc, estime à peu près 42 % des allocations familiales distribuées des familles de la classe moyenne ou très aisée en Grande-Bretagne. On veut comme couper ça, mais c'est le principe finalement d'universalité qui est remis en cause derrière ça. Et ce qui inquiète les gens, en fait, ce que j'ai pu lire là de l'inquiétude d'un peu tout le monde en Grande-Bretagne, c'est que oui, ça commence par les allocations familiales, mais après ça va être quoi? Est-ce qu'on va se mettre à dire, bon, ben oui, les gens qui vont aller dans les hôpitaux, les pauvres paieront pas, et ceux qui sont un peu plus riches vont payer mm-hmm. davantage, etc. Quoi qu'on voit ici, les allocations santé, etc., qui commencent à... Mais c'est pas la même chose. Là. C'est vraiment, on commence à dire, on va arrêter ce grand principe d'universalité des services publics et de certaines allocations et on va y aller selon les besoins. Mm-hmm. Et on n'économise pas beaucoup avec ça, à peu près 1,6 milliard de dollars. Là, c'est pas beaucoup. Non, ce ne serait pas parce beaucoup. Parce que le système, le budget annuel de l'assurance sociale en Grande-Bretagne, c'est 310 milliards de livres. Alors, 1,6 milliard de livres, c'est pas beaucoup. Et le troisième exemple, c'est ce qu'on appelle le Big Society. Ça, c'est vraiment... Qu'est-ce que c'est? C'est une idée, en fait, qui a été lancée par le conservateur David Cameron pendant la dernière campagne électorale. Certains parleraient d'un spin, parce que vraiment, ça a été tout à fait lancé. Et cette idée que les citoyens devraient prendre en charge le fonctionnement des écoles, des hôpitaux, la sécurité dans leur quartier, etc. Ah bon? Donc, il veut redistribuer le pouvoir aux citoyens, donner plus d'autonomie aux autorités locales, stimuler la culture du volontarisme, de sorte que c'est le volontarisme qui se substituerait à l'État qui est trop puissant à ses yeux. Il faut dire en passant qu'il économiserait environ 135 milliards de dollars canadiens de compression de supplémentaires dans les dépenses de l'État, ce qui n'est pas rien. Donc, il y a vraiment là une attaque en règle contre les fondements de l'État-providence qui se produit actuellement en Grande-Bretagne et il faut se préoccuper de ça. Alors, ça semble, en tout cas, il va y avoir beaucoup de bénévolat. Oui, d'autant plus que la coalition veut resserrer les conditions pour les sans-emploi. Il va y avoir beaucoup de monde, finalement, pour aider ces gens-là. Parce que les sans-emploi vont recevoir, certains vont recevoir moins d'argent, moins d'allocations qu'ils en reçoivent actuellement. Et donc, ça va prendre des organismes qui vont prendre le relais, des organismes communautaires, socio-communautaires, qui vont prendre le relais pour intervenir auprès de ces clientèles particulières. Alors, donc, c'est trois exemples d'une offensive tous azimuts. Il y en a d'autres. On augmente les frais de scolarité comme ici. On diminue les dépenses dans le National Health Service, qui est équivalent au système de santé ici, en Angleterre. Parfois, tout à fait, dans ce cas-ci, parce que dans le pays de Galles, l'Irlande du Nord, et puis l'Écosse sont autonomes là, en ce qui concerne la santé, mais quand même. Donc, on coupe un peu partout. Encore là, on va économiser 20 milliards de livres. Quand même. Alors c'est tellement, disons qu'on sent tellement une marche vers le désengagement de l'État qu'il y a un organisme qui s'appelle Social Edge qui a identifié la fin du welfare state comme étant un des trois grands développements clés à venir dans le domaine de l'économie sociale. C'est pas rien. Voilà. Alors tout ça amène évidemment les syndicats et la société civile à s'organiser. Il va y avoir une grande marche de protestation le 26 mars prochin en Angleterre. Ah oui? Un peu en comme Angleterre, ici au oui? Québec, le 12 mars, il va y avoir une grande marche de protestation de la coalition. Rappelez-moi le nom de la coalition déjà. C'est le coalition sur la tarification et la privatisation, contre la privatisation des services publics, contre la tarification et la privatisation des services publics, mais aussi l'Alliance sociale qui vont faire une grande marche le 12 mars. Donc c'est vraiment pour le maintien des services publics. C'est, et en Angleterre, c'est on va une voir marche la de même solidarité. Chose. Exactement. D'accord. Ça se produit un peu partout en Europe. Là, il y a vraiment une attaque en règle finalement contre. Alors ceux qui veulent l'État social. Pour les auditeurs là, qui nous écoutent et qui aimeraient en savoir davantage et se mobiliser, est-ce que vous avez des sites ou... Je dirais que la façon la plus simple, c'est de dans votre engin de recherche préféré, sur ce qui se passe en Angleterre, il y a quelques sites. C'est unison.org.uk en ce qui concerne le syndicat Unison. Il y a plusieurs exemples que je donne là. On n'a pas vraiment le temps d'y passer, mais sinon, rendez-vous le 12 mars, où déjà? Le 12 mars, c'est à Montréal, la grande marche ici au Québec, oui. Et parfait. Alors, merci beaucoup, Monsieur Monette. Bienvenue. Alors, pour cette chronique qui nous a présenté un peu l'évolution du concept État-providence et le rendu d'actualité là, en Grande-Bretagne. Alors, un grand merci. À la prochaine. Je voudrais également remercier Fabien Dubuis, qui est à la mise en onde ce soir, et également qui a été assisté par Jeanne Gutiérrez. Et son fils, également Cédric Leterme ainsi qu'à Michel Monette pour leurs interventions. Et je voudrais également remercier les auditeurs d'être toujours aussi nombreux à passer cette heure avec nous. Alors, on vous rappelle que les enregistrements de l'émission sont disponibles via le site de CKRL et également, vous pouvez les procurer sur le site de Attaque Québec. Alors, pour plus d'informations, allez visiter notre site. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous écrire à l'adresse legraindesable@hotmail.com. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain, 17h30, pour une nouvelle édition du Grain de Sable. D'ici là, restez branchés sur ce qui se vit ici et à travers le monde. Restez solidaires et je vous invite à surveiller le Forum social mondial qui se déroulera à Dakar du 6 au 14 février 2011. Et maintenant, je vous laisse en compagnie de Jean-Baptiste Duvigneau Goldwendy avec 100% Dynamite tout de suite après ces quelques publicités sur les ondes de CKRL, cette radio merveilleuse qui cultive vos goûts. Thank you.